ça, passer un début en tant que gratteur, sinon auteur, compositeur. Et je me suis mis au boulot, j'ai pondu mes propres brûlots en songeant ces mots que je leur assène. Vous mettre le feu à la scène. J'ai fait la tournée des bistrots. On m'a dit, tu l'ouvres de trop. Tiens, regarde même le poivre d'étal. Et c'est plutôt l'instrumental. J'ai fait le tour des producteurs. On m'a dit, ça n'est pas porteur. Tes rythmes ne ciblent que les gravataires. La suite, laisse-moi la terre. Mes aînés pouvaient se hisser entre CAF Consin et MJC. Joyeuse époque où l'artiste bohème faisait la nique à la FM. La mode était de se commettre en clair au nanny. Dieu n'y mettre plus question de jouer à ce petit jeu sans un physique avantageux. Faudra-t-il que je collabore en graissant la patte au major, en me pliant au goût du grand public, patriote et bon catholique. Faudra-t-il que je me déguise en youpi, prêtre, en marquise, pour atteindre enfin l'étape cruciale, l'intronisation commerciale. Avant que ma passion ne sombre, que les invendus ne m'encombrent. Avant que ma muse ne file au mitard, j'ai des chansons plein la guitare. Quelques bons vers, vaches ou tendres, soupirant qu'on les veuille entendre. Des vers qui ne riment à rien et qui doutent. Merci à toi qui nous écoutes.